S. Chez nous, y'a que le hub sous la mosquée qui t'accueille bras ouverts. Comme tout le monde se baisse, l'essentiel c'est de sortir couvert. Sache que les coups les plus dangereux sont portés de près. Le marabout m'a dit que parmi les miens, sache un de mes futurs experts. On se check de la main droite et on se plante de la gauche. Pas de taf à la mission locale, pareil que sur le terrain sans embauche. Trop d'ennemis sur mon chemin, pousse à la parano. Je crois plus au Père Noël, la France a mis tous nos espoirs à l'eau. Je fais du peu rap pour me convaincre que je peux m'en tirer. Plus de 20 berges dans la tête, pas besoin de split pour être inspiré. Survivre, c'est tout un art, c'est pas si sec, c'est seul. Plutôt fliqué avec ses ailes, surtout quand ce connard keuf est noir. Chaque fois qu'un lascar tombe, y'a une daronne au nerf fragile qui frise l'infarctus et ruine sa santé au cacheton. C'est tragique, pas de centre de formation pour nos jeunes soldats. C'est sur le tas qu'on apprend les méthodes de combat et le port de l'arme. L'autre jour un jeune fut tué d'une balle dans le caisson. Une mesure de silence pour les morts de notre Jackson. Petit frère, t'as pris du ferme pour s'en marcher avec des vrais. Devant la menace de la tôle, le vrai visage d'une balance se révèle. Entre rêve et cauchemar, combien de temps avant que tu t'ouvres les veines et que la mort te réveille? Faut-il que les tests crament pour que la mémoire leur revienne? Faut-il que je vise direct le crâne pour que l'histoire du Tchekar me retienne? Je rappe ma chienne de vie, je l'aime car c'est la mienne. Bitches, Veni Vedi Vici, Orléans City. Nique l'état de leur système, je serai pas une victime. Pèse la routine, Belek aux éclats de chevrotine. Je rappe ma chienne de vie, je l'aime car c'est la mienne. Bitches, Veni Vedi Vici, Orléans City. Nique l'état de leur système, je serai pas une victime. La routine, Belek aux éclats de chevrotine. Emploi précaire, chôme dû, homme politique, ordure. Sbeul tapage nocturne, drogue douce et drogue dure. Manque de fric, amertume, pas d'avenir sur le bitume. Ça se tape par habitude, rap douce, négro et dur. Business illégal, boy, richesse inexpliquée. Sex, shit et alcool, jeunesse aux neurones niqués. Toute la ville est fliquée, les RG postichés. Les lascars tous fichés, stéréotypes et clichés. Au sol matraqué, menotté, embarqué. Déféré au parquet, placard plein craqué. Africain arnaqué, immigration bah ouais. Dans HLM parqué, génération dans l'Houel. Business plus rodka, plus vengeance, plus armes. Égal crime, drame, sang au sol, famille en larmes. Dossier, plus un instru, plus un mic. Égal révolution sur bande sonore, 45 putain de vacarme. J'rappe ma chienne de vie, j'l'aime car c'est la mienne. Bitches, Veni Vedi Vici, Orléans City. Nique l'état de leur système, j'serai pas une victime. Pèse la routine, Belek aux éclats de chevrotine. J'rappe ma chienne de vie, j'l'aime car c'est la mienne. Bitches, Veni Vedi Vici, Orléans City. Nique l'état de leur système, j'serai pas une victime. Pèse la routine, Belek aux éclats de chevrotine. J'rappe ma chienne de vie, j'l'aime car c'est la mienne. Bitches, Veni Vedi Vici, Orléans City. Nique l'état de leur système, j'serai pas une victime. Pèse la routine, Belek aux éclats de chevrotine. J'rappe ma chienne de vie, j'l'aime car c'est la mienne. Bitches, Veni Vedi Vici, Orléans City. Nique l'état de leur système, j'serai pas une victime. Pèse la routine, Belek aux éclats de chevrotine. Rêve américain m'habite, on vit le cauchemar français. Notre seul sport c'est survivre, paix à tous les quartiers. Faut pas se tromper de combat, faut prendre ses burnes. Ils s'en branlent qu'on crame des govas. La vraie lutte se trouve dans les urnes. Explicite politique, 45 Orleans, 20-06 pour 20-07. Mec, pour tous les quartiers de France, d'où c'est?